Ce merveilleux château datant du 19e, non, du 20e siècle, pardon, maintenant habité par un chirurgien de la main orthopédiste. Oh putain, je suis gênée. ce château que j'aime bien et qu'une fois j'ai visité jusqu'à ce qu'il se fasse habité par un chirurgien de la main orthopédiste. Mais je suis rentrée dedans une fois, dans la propriété privée, d'ailleurs je m'en excuse, et j'ai vu, en fait, il y a des espèces de bâtiments qui sont à l'intérieur du château. Des maisons. Un peu comme des appartements, mais qui ont le prix des appartements sur Paris. Parce que c'est cher. Où s'est passé l'anniversaire de je sais plus qui était ta famille? Alors, ce n'était pas un anniversaire, mais un mariage de ma cousine qui s'est mariée dans le château. D'ailleurs, on nous apportait à manger avec un drone. Quoi? Un drone. Ta cousine, elle s'est pas fait enlever par des esprits? Non, on était dans... En fait, au-dessus des bâtiments habités, il y a tout un couloir qui sont dans les meurtrières et on était dedans. Dans les murs, en fait. Bonjour, je m'appelle Léa et je vais vous parler de la friterie de Sombref. Cette friterie s'appelle Chez Sandra. Ils font des hamburgers, des frites, des nuggets, même si j'aime pas trop, des fricadelles, des mitraillettes. Ils font un peu de tout. Mais alors, ça veut dire qu'ils tuent plein d'animaux. J'aime pas les nuggets de chez Sandra parce que je les trouve moins bonnes que celles de chez Quick. En fait, c'est tout le reste qu'on ne met pas dans la bonne viande, les chicken et tout. Ça, je sais pas. Je pense plus que c'est quand même de la viande que des restes. Quel est ton truc préféré chez Sandra? Les nuggets, les fricandelles, les frites? Les frites et les hamburgers. Les nuggets, c'est pas de la viande, c'est du poulet et tout ça. Je sais pas, je ne suis pas renseignée. Je connais pas tout non plus. Bonjour, c'est Tom. Alors, à côté de mon école, j'ai une boulangerie où toutes les pâtisseries sont délicieuses. Mais faites attention au chien du pâtissier. Les pâtissiers non plus n'est pas très sympa. Le chien, il aime bien mordre les gens. Surtout les éclairs au chocolat, ils sont très délicieux. Les mocha aussi. Enfin, tout est délicieux dans cette boulangerie. Faut vraiment aller à la maison d'Elie à côté de l'école Saint-Laurent. Vraiment, vraiment. Ma tantine s'est fait attaquer par ce foutu chien, alors je suis complètement d'accord avec lui. Mais par contre, j'aime bien les bonbons d'Elie. Est-ce que tu veux être boulanger plus tard? Non, je pense pas. Il y en a des fois, elles sont pas bonnes parce qu'elles sont loupées. Quelle pâtisserie préfères-tu? Les éclairs au chocolat, c'est les meilleurs. Le boulanger, il est embêtant, mais est-ce qu'il fait des bonnes choses quand même? Oui, on peut pas être mauvais dans tout non plus. Est-ce que t'as déjà eu peur du chien? Oui. T'aimes bien les cornets? Je sais pas encore compter non plus, je pense. J'adore les boules de Berlin. T'aimes bien les brioches au chocolat? Je sais pas encore goûter non plus. En tant qu'un ami à toi, tu m'avais dit que tu n'aimais pas le chocolat, mais c'est une exception pour l'éclair. Je te dis que j'aime pas les gâteaux au chocolat, mais le chocolat comme ça, j'aime bien.